Herriotsak, Pausumediak ekoiztutako saio bat, egunero, arratsaldeko 8:00-etatik 9:00 arte, Antxeta irratian. Le chou est un altachoun. Oh, tchak! Bonsoir à tous, bonsoir à toutes! We're the eyes, I can say the money that hungry that quiere cambiar de vida en el sofá y olvida penas que se alejan imaginando. Pas trop fatigué, Mickaël? Tu n'es pas trop fatigué? Ça va être un peu le bordel, je crois, mais ça va. Oh, le bordel, j'ai l'impression que c'est peu à dire parce que je crois que Miss Eva est encore torchée de son premier de l'an. Non, bah oui. Regarde. Bonjour à toutes et bonjour à tous, et avant de commencer, donc je souhaite à tous les auditeurs et à toutes les auditrices une merveilleuse année 2011. Bonne année tout le monde. Et bien entendu aussi, je vous souhaite donc amour, gloire et beauté, mais aussi solidarité. Et une bonne année pour les gros nez. Et donc pendant une heure aujourd'hui, nous allons parler de l'avenir, mais nous ferons aussi une rétrospective de l'année 2010, en choisissant ensemble donc les meilleurs événements de l'année passée. Une ré quoi ? Rétrospective. Tu sais, en gros, on va parler un peu de tout ce qui s'est passé l'année dernière. D'accord. Et aujourd'hui, nous sommes très très nombreux comme le mois passé, alors je vais tenter de vous les présenter un par un. 8 par 8, ça ira peut-être plus vite d'ailleurs. Un par un, donc en commençant par notre étalon basque, 1m80, 74 kg, des muscles et des poils, un regard de braise et un mystère sexuel. Bonsoir Mickaël. 74 kg de poils. Kaixo arratsaldeon. Eta ongi etorriak urte berri ontako herriotxakera. Je dis que bienvenue à la première émission, non seulement de Luxu eta Maitasun Otsak, mais à la première émission de l'année de herriotxak. Bien sûr, bien sûr. Quelle fierté d'ailleurs. Le soir de Noël, elle a volé la vedette au sapin. Le soir du Nouvel An, elle a éclipsé par sa beauté le feu d'artifice de la Tour Eiffel. Vous l'avez croisée au Téléthon à Hendaye car elle pensait que c'était une soirée humoristique où l'on votait pour les moches. Bref, elle nous honore encore une fois de sa présence. Bonsoir, Miss Eva. Bonsoir. Oui, donc, et avant, je voulais juste te dire que oui, donc pour le Téléthon, effectivement, je me suis trompé vu que je suis arrivé. Il y avait beaucoup de, enfin, la moyenne d'âge, ça devait être 84. Et donc tu as été élu ou pas? Hein, bien sûr. je voulais comprendre un petit peu ce que tu faisais quand même. Ah mais non, j'ai pas été élu, non, justement. Parce que j'avais pas l'âge. Et avant donc de vous présenter, les invités du soir, je voudrais beaucoup de bruit pour encourager notre public qui ce soir est composé de, enfin je vais compter, une personne. Bonsoir public, on applaudit. Ouais, bravo. Ouais, ouais, ouais, ouais. Mickaël doit être fou là. Mickaël, par contre, avant de l'oublier, est-ce que tu peux juste nous rappeler les numéros de téléphone et mail pour nous contacter? On va rappeler le numéro de téléphone, c'est le 05 59 48 36 65 et le mail c'est ancheta.sociala@gmail.com ou Pour nous contacter à nous. Voilà. Ah, vous pouvez toujours aller sur lgpbiarritz@gmail.com et bien sûr vous rendre donc sur le Facebook. Le Facebook, on a un Facebook et Riochak d'ailleurs. Voilà, et Riochak aussi. Ainsi que le Facebook donc de la LGP Biarritz. Et on a aussi un blog, c'est riochak.info. D'accord. Et alors pour les rediffusions de l'émission, parce que alors ça c'est intéressant, c'est tout nouveau, ça date je crois de fin novembre si je me rappelle bien. Voilà, les rediffusions c'est tous les jours à partir de 11h de la nuit, donc de 11h à minuit. D'accord, très bien. 11h du soir, hein. 11h de la merci nuit. Merci de nous le rappeler. Je rappelle aussi, bien évidemment, donc, sur tous les blogs, Facebook et autres, vous pouvez réécouter les émissions et que bientôt, on espère pouvoir être diffusé encore sur d'autres radios. Mais pour l'instant, on est bien content d'être sur la radio mouette, Antieta et Ratia. Allez, on passe à mes invités du soir. Nous avons l'honneur de recevoir toute une tribu de l'association Gaytou, en commençant par son président, Rocheanne. Bonsoir, Rocheanne. Bonsoir et bonne année. Bonne année, tu vas bien? Oui, oui. Bon. Moi j'aimerais bien qu'ils disent bonne année en basque. Oui, c'est ce que j'allais te demander. Et en espagnol pour ceux qui... Feliz... Bon agneau. Bon agneau, voilà. Très comme bien. Les agneaux de la campagne, c'est pas... Ils font partie de la commission des fêtes de Gaytou, actifs le jour et peut-être passifs la nuit, ça on n'en sait rien. Andoni et Manuel, bonsoir messieurs. Bonsoir. Bonsoir Gabon. Et bonne année à vous deux aussi. Hein. Merci. Donc, merci beaucoup. On écoute bien? Ouais. C'est bien? Ouais, c'est parfait. Tu parles très bien français. Tu m'as dit que tu avais un petit peu peur, mais en fait finalement... Pas du tout. Si, tu te débrouilles très très... On va essayer de tester un petit peu tout au long de la soirée. Okay. Merci à tous en tout cas d'être là ce soir avec nous. Je pense qu'on peut tous se souhaiter donc une excellente année 2011. Et bonne année, on se fait la bise. On s'embrasse tous pour la bonne année. Mickaël, viens faire un bisou à la vitre là pour faire la bonne année. Allez, messieurs. Voilà, ça part en couille là. Mesdemoiselles. 2010 a été une année riche en événements, certains joyeux et d'autres un petit peu plus tristes. Avant d'évoquer certains donc, de nos souvenirs de l'an passé, je voudrais rendre hommage à ceux qui nous ont quittés en 2010. Je pense aux victimes de violences homosexuelles, je pense aux victimes du sida, et je pense tout particulièrement à Jean Lebitou. Jean, en 40 ans de combat, tu n'as jamais baissé les bras. Entre le magazine Guépier, ta lutte pour la reconnaissance de la déportation homosexuelle, ou ta lutte personnelle contre la maladie, tu resteras un exemple pour nous tous, et je voudrais, au nom de toute la communauté gay, te remercier. Merci Jean. Et je pense que, oui, qu'en sa mémoire, une petite chanson est la bienvenue. On peut applaudir Jean quand même aussi, en attendant. Ça me donne un peu d'émotion, j'avoue, honnêtement. Honnêtement, mais je pense qu'on pouvait pas parler de l'année 2010 sans parler de Jean. Mickaël, je te donnais une petite base de musique, tu dois voir Alejandro. De Lady Gaga, et je pense que ça serait une bonne chanson que Jean aurait beaucoup aimé. Et oui, il y a Jean dans Alejandro. I know that we are young, and I know that you may love me, but I just can't be with you like this anymore. Alejandro. Just like a dad. Antxeta irratia bera zuzen-zuzenean herri hotxak egunero bezala 8:00-etik 9:00 arte. Eta gaur astelenarekin luxu eta maitasun hotxak. Gay eta lesbianen mugimenduak eginiko saioa. Eta urteko lehendabiziko saioa. Et de retour sur Anchetta Iratia, la radio des mouettes homosexuelles. Merci, Miseva. Miseva, c'est un bonheur de t'avoir à chaque fois dans cette émission. Aujourd'hui, pour vous dire, bon, Miseva ne s'est pas changée depuis 11 jours maintenant, donc depuis la fête. Je pense qu'elle avait dû repartir encore avec ses pompiers. Voilà. Elle est vêtue d'une magnifique chevelure blonde limite plutôt jument. Faut dire ce qu'il y a. Quoi, jument? T'as un petit côté jument aujourd'hui. Au lieu de faire la mouette, je pense que tu peux nous faire un petit peu la jument, non? Allez, alors à présent, je vais donc vous demander de choisir entre plusieurs événements ceux qui ont marqué pour vous l'année 2010. Pour vous aider dans vos choix, nous avons créé des catégories, un petit peu comme aux Oscars. Vous vous rappelez les Oscars, les Césars, je sais pas comment. En Espagne, qu'est-ce que vous avez comme dans ce style-là pour récompenser les films ou les acteurs, Les Goya. Les Goya, c'est un prix au Goya. Oui, au niveau espagnol, oui. D'accord. Et au Pays Basque, il y a quelque chose de particulier La Concha de la Donostia. Bien sûr. Et le prix Gaytou de. Ah, le festival de cinéma de Donostia, bien sûr. Eh bien, écoute, là, ça va pas être le prix Gaytou du Sébastiané, ce sera juste un petit peu. On va dire. Comment dire? Un petit peu comme aux Oscars, on va dire que ce sera nos mouettes d'or. Parce qu'on est à Anchetta Iratia, la radio voilà, des mouettes. Mouettes d'or. On va décerner un peu les mouettes d'or. Et donc, on va commencer par la catégorie cinéma. J'ai sélectionné pour vous ces quelques films. On va essayer d'en parler un petit peu au fur et à mesure. Ce sont 4 films qui sont sortis en 2010. Bien sûr. Bien connu, mais apparemment pas tant que ça, justement. Dans si, ils ont été vus par des millions de personnes. voire des milliers. Sauf moi. Pour commencer, c'était au mois de février, il me semble, le film I Love You, Philip Morris. Pour l'histoire de I Love You, Philip Morris, donc c'est interprété par, entre autres, Jim Carrey. Mm-hmm. Si je ne m'abuse, c'est l'histoire d'un homosexuel emprisonné qui va influencer le comportement d'une autre personne de manière à se faire libérer et en abuser jusqu'au bout. En gros, on va montrer jusqu'où l'amour peut aller. Et c'est, entre autres, une histoire entre deux personnes homosexuelles dans les années 70, si je ne m'abuse. Et donc le copain de ce fameux Jim Carrey, oui. Et c'est donc Erwan McGregor, c'est ça? Ah, peut-être, oui. Voilà, c'est ça. D'accord, tu vois que tu les as vus les films. Ah, mais bien sûr, je les ai vus, la bande-annonce. Un autre film qui a fait parler de lui un peu plus récemment, c'est le film Kaboom, où on traite... Oui, alors Kaboom, il a été davantage reconnu pour le physique de ses acteurs, puisque l'un d'entre eux, qui ressemble particulièrement à un très très beau Suédois, histoire donc de la possibilité de l'histoire d'amour entre deux hommes, un homme qui est plutôt homosexuel, l'autre qui est plutôt hétérosexuel. Le problème, c'est évidemment que l'homosexuel va tomber amoureux de l'hétérosexuel. L'hétérosexuel est amoureux d'une femme qui elle-même est amoureuse d'un homosexuel. L'histoire est compliquée, mais on peut voir justement l'ouverture d'esprit des hétéros de nos jours, à voir un petit peu où est-ce que la limite est franchie. Et c'est bien sûr, c'est un véritable défilé de jolis corps, de jolis petits culs et de choses qui plaisent à Miseva. Bien sûr, bien sûr. Le troisième film, c'est un film français, Le Premier qui l'a dit. Le Premier qui l'a dit est sorti au mois d'août. Histoire de deux frères qui ne sont pas jumeaux, deux frères qui se mettent au défi de lequel des deux va annoncer son homosexualité en premier. Et ils se mettent d'accord pour que ce soit l'un des deux, et c'est l'autre qui va, à toute surprise, annoncer son homosexualité. Ça va créer toute une panique dans la famille, le second du coup n'ayant plus envie de faire son coming out. Et toute l'histoire un petit peu du coming out va être développée dans ce film. Et enfin, là par contre, je vais laisser Roche à nous en parler. C'est le film qui a fait grand bruit, on a même fait une émission spéciale pour ce film-là, En Ochenta Días, qui, si je ne m'abuse, en basque plutôt. La Loreille Runean. Voilà. Est-ce que tu peux nous raconter en français, s'il te plaît? C'est là le plus dur, je le sais. L'histoire raccourcie, on va faire plus court que la dernière fois, de ce film-là, s'il te plaît. Oui, c'est un film délicieux, un film basque qui raconte l'histoire d'amour et d'amitié, surtout de femmes âgées, et qui se rencontrent après beaucoup de temps, éloignées l'une de l'autre. Et c'est une histoire surtout d'amitié, de respect de l'autre, de la diversité, tout ça. Un film délicieux, tout à fait à voir. Et si on peut préciser, qui a obtenu Oui, qui a été le film choisi pour les prix Sébastien, qui donne toutes les années notre association Gaïtou. Mais donc déjà, il a un premier prix. Oh, il y a des photos de nous, dis donc. Miss Eva, bien entendu, commence à s'ennuyer dès qu'on commence à parler un petit peu. Ah non, pas du tout, je ne m'ennuie pas. Un peu intéressant. Ah non, je ne m'ennuie pas. S'ennuie et lit de son côté les revues pornographiques. Non, pas du tout. Non, pas qu'il y ait des photos de nous dans les revues pornographiques, ceci dit. Mickaël, petite question piège. Est-ce que tu as vu un des quatre films? Non. Malheureusement, non. Et bien pourtant, tu vas devoir voter Michael, en premier. Tu es inculte. comment je vais voter si je ne les ai pas vus? C'est ça le problème. Donc, en plus, y en a quelques-uns parmi ceux que tu as dit qui paraissent intéressants. La plupart sont intéressants. Je rappelle qu'on peut tous les retrouver en DVD aujourd'hui, à part Un Ochenta Dias, qui, je crois, n'est pas sorti en DVD, peut-être. Pas encore, je crois. Pas encore. C'est le seul qu'on peut pas encore trouver. Mais sur les trois autres, vous pouvez le trouver très facilement mais sur les magazines têtus ou autres. Est-ce que vous avez peut-être d'autres films qui vous ont marqué, vous, dans l'année, films homosexuels? Non. A priori, non, il n'y a pas eu... Alors, moi, j'ai quand même vu un film, mais je ne suis pas sûr si c'était de cette année ou non. Dis-moi. Sur la lutte de... Je ne me rappelle pas de... Alors, de si tu as vu nom. Philadelphia, ça remonte à 20 ans. Oui, oui, je crois quand que... Même pas, ouais. Quand même pas. C'est ce film d'un politicien homosexuel qui est arrivé à être maire d'une... Harvey Milk. Harvey Milk, est-ce que c'est 2010, Harvey Milk? 2009, Harvey Milk. 2009, peut-être. 2009. Je pense que si l'année dernière on avait fait le même vote, je pense qu'Harvey Milk effectivement serait arrivé en tête des voix, parce que c'est un film qui était quand même très fort, sous forme un peu de documentaire, qui explique justement l'histoire de ce politicien. Je suis pas si inculte que ça, non? Et non, c'est bien, tu te rattrapes, Mickaël. Non, vous remarquerez qu'à chaque fois qu'on essaie d'avoir des questions pièges pour Mickaël et connaître un peu plus de sa sexualité, il nous renverse avec une culture, mais improbable. En fait, je vais vous expliquer son petit secret. C'est que derrière son aquarium, là-bas, il a un petit ordinateur et il a accès à Internet. Voilà, donc genre on parle du sujet, il va vite tapoter sur Internet et puis il va nous lire le résumé du truc. Il me dit oui, je l'ai vu et puis voilà. Messieurs de Gaïtou, si vous deviez voter pour un des films, lequel? Pour moi c'est clair, c'est La Loreille Ebonienne, ça c'est clair. Moi aussi c'est le seul film que j'ai vu, de tout ce film que tu as parlé. D'accord, donc pour toi c'est plus facile, il n'y en a qu'un. Oui, mais en plus on a beaucoup aimé ce film, hein. C'est comme José l'a dit, c'est très très délicieux le film. C'est très simple, mais en même temps c'est très enrichissant. C'est vraiment très... À recommander au public recommandable. Voilà. D'accord. Mais en tout cas, quoi qu'il arrive, pour les auditeurs, nous vous ferons signe dès que le film sortira aussi traduit en français pour qu'on puisse en parler davantage. Trois voix donc pour Un Ochenta Dias. Miss Eva. Alors moi je dirais, parce que je suis un fan de Jim Carrey, donc de toute façon il n'y a pas à chier pour tortiller du cul, non, il n'y a pas à tortiller du cul pour chier droit, c'est pour I Love You Philip Morris. Et moi j'aurais voté pour Kaboom, on va demander au public. Alors, le public aujourd'hui ne parlez pas tous en même temps, voilà. Eh bien, le public n'a pas vu les films, mais... De manière unanime, ceci dit. Voilà, unanime. Voilà, ça tu me paraissait intéressant. Miss Eva, voilà, je vais suivre Miss Eva, voilà, parce que... En fait, I love you, Miss Eva. Voilà, avec Jim Carrey, que j'adore aussi, voilà. Quoi qu'il arrive, la première mouette d'or est attribuée donc à Un Ochenta Dias. C'est là où on voit que vous êtes... On n'aurait pas dû vous faire venir aussi nombreux, on aurait gagné davantage de prix. Un Ochenta Dias, gagnant de la catégorie cinéma. Bravo, bravo. Faudra penser l'année prochaine, pour la même période, début janvier 2012, à prévoir de véritables mouettes en or. Je sais pas, on les fera couler directement, on fera directement un festival. Un moule, on fera un moule et... Oui, toi les moules direct, oui, je comprends bien. On passe à la catégorie suivante, alors une catégorie qui est un tout petit peu plus sérieuse, puisqu'on va parler de santé. On va développer un peu chacun des points. Dans la catégorie santé, nous avons en première place le dépistage rapide en France et en Espagne. En deuxième, le 1er décembre 2010, avec l'action que les stars sont mortes. Et en troisième point, Benoît XVI enfile un préservatif. Alors on va revenir sur chacun des points. Dépistage rapide en France et en Espagne. Peux-tu nous raconter un petit peu ce qui vous arrive depuis décembre à Gaïtou? Oui, on est très heureux parce que depuis très longtemps, on a toujours voulu de mettre le dépistage rapide en place à Gaïtou, dans le cadre associatif. Et maintenant, ça marche, justement, c'est le jeudi, et ça marche très bien, le public est ravi, on avait besoin de ça là-bas. Et on est content aussi qu'ici, de ce côté de la frontière, on ait aussi le dépistage rapide, on aura. de la main de Ed. Une aide. On aura une aide de Ed. Dans quelques mois, dans cette nouvelle année, on aura aussi le dépistage ici. C'est une excellente nouvelle pour nous aussi. Pour expliquer un petit peu ce que c'est que le dépistage rapide, Rocheanne. Ah oui, c'est le dépistage du VIH et de la syphilis aussi. Et ça se fait avec une prise d'une goutte de sang. Sur le doigt. Sur les doigts. Et c'est rapide parce qu'on a le résultat dans maximum 15 minutes. Dis donc, c'est vachement bien. Le pain prend plus de temps. La dernière fois, je me suis fait dépister. Elle m'a sorti 3 jus du truc. Je me suis à moitié évanoui. Elle me dit attendez, je vais chercher un sucre. Là où ça me fait très peur. Le temps qu'elle revienne, j'étais déjà mort. Quoi. Ça me fait très peur quand tu dis qu'elle t'a sorti un jus du truc. Qu'elle t'a sorti exactement. Il est con. Elle m'a sorti 3 fioles de sang là et j'ai failli m'évanouir. Ah, ben oui, forcément, parce qu'avec 3 fioles de sang, il te reste plus grand chose. Ah, hein. Après que de l'alcool. Pour rougir, je ne pouvais plus rougir après. Oh là là, quelle horreur. Donc, et pour expliquer un petit peu en France ce qu'il se passe, donc je crois qu'on avait fait une émission d'ailleurs là-dessus au mois de début décembre ou fin novembre à peu près, sur le dépistage rapide, où Karine de l'association AIDS nous avait expliqué que depuis un mois, un décret autorisait l'utilisation de dépistage rapide par les associations non médicalisées, donc y compris AIDS qui était porteur du projet en France, et il pense d'ici le mois de juin prochain mettre en place non seulement dans leurs locaux de AIDS, pour ce qui nous concerne ici, ce sera les locaux de AIDS à Bayonne, Dax ou Pau, mettre en place le dépistage rapide et voire même le développer dans les saunas et lieux de drague extérieurs, ce qui n'est pas encore certain, mais c'était quand même un événement, je pense, en France comme en Espagne, assez important, puisqu'aujourd'hui, on va pouvoir dépister un maximum de monde de manière plus rapide et peut-être plus attractive. Les gens vont venir, ça va être plus accessible. Plus humain aussi de venir voir directement dans un petit local associatif avec des gens expérimentés. Donc ça, c'est le premier point. 1er décembre 2010, les stars sont mortes. Est-ce que vous avez entendu parler de ce petit phénomène ? Non, pas du tout. Eh bien non, voilà, c'est là où les frontières quand même existent un petit peu. C'est un mouvement aux États-Unis. Donc le 1er décembre 2010, des artistes comme Lady Gaga, entre autres, ont décidé donc de mettre un terme à leur carrière, du moins tant que le million d'euros ne serait pas atteint dans la lutte contre le VIH. Il faut savoir quand même que pendant les 15 premiers jours, le million n'a pas été atteint. Donc pendant 15 jours, nous n'avons pas eu de nouvelles, entre autres Lady Gaga, Elton John et encore d'autres stars. Et c'est grâce à un généreux donateur qui a donné directement le million de dollars à l'association d'aide contre le sida. Et donc depuis, on peut réentendre nos stars favorites à la radio. Est-ce qu'on sait qui est ce jeune donateur ? Non, on ne connaît pas le jeune donateur, mais je pense que l'information importante... Parce que moi, j'aimerais bien le connaître. L'information importante, là où ça peut nous marquer un petit peu, c'est que c'est pour la première fois une initiative de stars qui ne fonctionne pas. Puisque c'est plusieurs stars qui disent, en gros, on ne donnera pas de nouvelles à nos fans tant que le million ne sera pas atteint, et le million n'a pas été atteint, et si le donateur n'était pas arrivé, je pense que le million n'aurait pas été atteint avant un petit moment. Donc c'est pour ça que je l'ai mis un petit peu dans la catégorie catégorie santé, parce qu'on s'aperçoit aujourd'hui que la solidarité, notamment en vue de la lutte contre le sida, s'enraye un petit peu. Il y a quand même quelques difficultés. Donc deuxième point, les stars sont mortes le 1er décembre 2010. En troisième position dans la catégorie santé, alors moi j'ai appelé ça Benoît XVI enfile un préservatif. Tu vois ce que je veux dire, Andoni? Non, Benoît XVI, Benedicto XVI, qui met un préservatif. Okay. Parce que récemment dans son livre. Qui tente, parce que je ne sais pas s'il y est arrivé. Est-ce qu'on lui avait fourni le mode d'emploi? Normalement, c'est indiqué derrière, en principe. Derrière le préservatif ou derrière? Oui, derrière la pochette du préservatif. Mais il paraît que pour arriver au pape, il faut passer par tous les cardinaux, donc j'ai peur que ce soit déjà. Ouais, déballé et tout, ouais. Ou même, voire même très sec. Utilisé, ouais, très sec. Déjà utilisé. On va revenir à la réalité parce qu'on va penser véritablement que le pape a mis un préservatif avant de faire quelconque, je ne sais pas quelle bénédiction. L'histoire. Donc très, très récente, qui date sûrement de mois d'octobre, je pense qu'octobre ou novembre, et que dans un livre de révélation, Benoît XVI apporte quasiment son soutien à l'usage du préservatif, non pas pour tout le monde, mais pour les prostituées. Est-ce que déjà, pour vous, Agueitou, est-ce que vous considérez que c'est une avancée? C'est une sorte d'avancée, mais pas grand chose par rapport aux besoins qu'on a vraiment dans la vie réelle chez les gays, chez les HSH. Donc, HSH, homme ayant une sexualité avec un autre homme. Voilà. Donc c'est pas suffisant du tout. C'est mieux que rien, mais mais ça change pas grand chose à la fin. Nous, en France, la réaction générale a été, effectivement, c'est une petite avancée, une toute petite avancée, ouais. Puisqu'aujourd'hui, on arrive juste à reconnaître que le préservatif peut être utile aux prostituées pour éviter les infections au VIH et autres maladies sexuellement transmissibles. Ouais. Et est-ce que tu penses, comme nous, que ça peut être peut-être une porte ouverte à accepter le préservatif aussi pour tous ? Est-ce qu'un jour ou l'autre, on arrivera, par exemple, à faire dire à Benoît XVI que l'homosexualité, mais finalement, c'est pas si mal ? Benoît XVI, je ne crois pas qu'il le dira, qu'il ne va pas vivre autant que pour le dire, parce qu'on sait que l'Église avance petit à petit. Et malheureusement pour nous, pour la société, ça va prendre beaucoup plus de temps, malheureusement. Très bien. Donc en catégorie santé, nous avions donc proposé dépistage rapide en France et en Espagne. En deuxième, le 1er décembre 2010, les stars sont mortes. Ou en troisième, Benoît XVI enfile un préservatif. Il faut voter. Messieurs de Gaïtou, on va commencer par vous. Manuel. Suivant, allez, pour le dépistage. Pour le dépistage, très bien. C'est bien, c'est bien, Manu, c'est bien. Moi aussi pour le dépistage, c'était très intéressant. Très bien. On est tout à fait d'accord, le dépistage. Très bien. Mickaël, est-ce que tu as quelque chose à rajouter ? Moi, je vois que ceux de Gaytou, ils ont pensé, ils savaient déjà les réponses, non ? Parce qu'ils votent tous ensemble. Tiens, ils sont venus avec déjà les réponses et tout. Moi, je vais voter pour Benoît, parce que même si je suis d'accord avec ce que disaient les camarades de Gaytou, ben j'ai un peu imaginé quand même Benoît en train de mettre d'enfiler la capote. Ah oui, c'est vrai qu'au niveau de l'image de Benoît, alors moi déjà, je pense qu'il va falloir qu'on unisse toutes nos forces pour n'imaginer qu'une seconde qu'il soulève la soutane. Déjà, s'il enlève sa robe, je sais pas quel est le résultat. De là à enfiler le préservatif, tu vois, mon imagination n'était pas allée jusqu'à ce niveau-là. Donc nous sommes donc à une voix pour Benoît, trois voix pour le dépistage rapide. Le public en délire ? Ah ben le public, il pense Benoît XVI, hein, c'est pareil, moi je suis assez curieux de voir ça. Et voilà, justement, les préservatifs, je suis du public, hein, j'ai pas l'habitude. Les préservatifs pour tout le monde, et voilà, et l'élocution aussi. Il est un peu perturbé parce qu'il a quelque chose de rond devant la bouche et de lent, voilà, c'est pour ça. Il est peut-être pas habitué. Miseva à côté. Hein, voilà. Et Miseva à côté qui est prête à... Bon. Miseva, ton vote. Mais écoute, moi, Benoît XVI, ça me dégoûte un peu, hein, donc du coup, ça va être le dépistage. Voilà. Le dépistage, et moi, personnellement... La parole aux gens, non, mais je rêve quoi. Non, mais c'est très bien parce que du coup, ça me fera juste un petit bobo au doigt et puis on s'en fout après. Parce que je vais pas tomber dans les pommes avec un petit. Donc c'est plus pratique. Très bien. Pour moi en tout cas. C'est bon, je peux qui continuer. Qui déteste les piqûres, oui. Est-ce que j'ai la parole, Miseva ? Allez, merci beaucoup. Vous. Personnellement, moi je voterai aussi en faveur du dépistage rapide en France et en Espagne parce que pendant de longues années, on a galéré pour que les gens aillent se faire dépister. On s'est aperçu récemment dans les centres de dépistage anonymes qu'il y avait quand même des jugements de valeur avec des gens à qui on disait « Ah, c'est quand même la seconde fois que vous venez cette année et il y a un problème ». Le dépistage rapide, je pense que traité par des personnes associatives dont le don humanitaire est peut-être plus affirmé que dans des centres de dépistage, mais ça va peut-être rendre plus facile le dépistage et on va pouvoir peut-être enfin mettre la main sur les 50 000 personnes évaluées séropositives en France et donc qu'on n'en connaît pas l'identité. Non pas qu'on veuille connaître chacun d'entre eux, mais au moins sachant que quand on est dépisté, on peut être soigné plus facilement et on évite aussi de nouvelles contaminations. Donc c'est sans contestation que le dépistage rapide en France et en Espagne obtient la mouette d'or dans la catégorie santé. Bon. Mickaël, on parlait du dépistage rapide, de l'utilisation de tes petits doigts. Moi, je vais en faire une deuxième utilisation. Je vais te demander juste une petite chanson. Mylène Farmer, son dernier tube. Oui, mais non. Oh non. Jamais non, l'amour, Eriotsak antxeta irratean. Esan. Guri ateketamak euskaraz ikasi zioten. Euskara galtzia pena da. Netzako, beste asko izango dute, ba. Entzun. Bai, eta etzen, astapenean, etzen bate orai bezala. Zen orduan baitziren, idilak beren... Adierazi. Bueno, Errepublika plazan, kafe handia zen eta oso alaia. Antxeta irratia, luzaroan bizi. irubebikoitza.herriotsak.info Ba, hor duzute gure bloga, bakizute egunero bezala 8:00 bederatziak arte Herriotsak antxeta irratiaren sintonian. Donc voilà notre blog, je disais, herriotsak.info, où vous pouvez trouver les émissions be, de Luxu eta Maitasun Hotsak ou toutes les autres émissions qu'on fait dans ce dans cette section d'émissions qui s'appelle Herriotsak. Ok, à tes souhaits, Mickaël. Ça faisait longtemps qu'elle ne nous l'avait pas dit, la petite Miss Seva. Ben écoutez, on se retrouve donc dans la deuxième partie de Luxu eta Maitasun Hotsak, avec donc toujours en invité Manuel, Andoni, Rocheane et Miss Seva, ainsi que Mickaël. Et le public qui est en délire, bien entendu. Vous voyez ce qui est bien. Non, ce qui est marrant quand on enregistre comme ça en direct, c'est que quand le public ne réagit pas, quand il est complètement endormi par les chansons de Mylène Farmer, nous, on est obligé. Voilà, il y a un décalage, il y a un certain décalage, on est obligé nous-mêmes de les faire de les faire réagir. On a écouté donc Mylène Farmer. Andoni, tu n'avais pas entendu toi encore le dernier morceau. Ah non, pas la dernière chanson, mais j'ai pas beaucoup aimé. Tu n'as pas beaucoup aimé. C'est un peu simple cette chanson. Hein, ouais. C'est comme une chanson pour un enfant, non? Mais les critiques sont un petit peu difficiles avec Mylène Farmer parce que c'est pas tout à fait dans c'est son style. C'est un peu cancan, quoi, un peu cancan. Non, j'aimais quelques chansons de la Mylène Farmer, mais pas, c'est pas la meilleure, pas du tout. D'accord. Mais écoute, c'est dommage pour elle parce que Mylène Farmer donc, fait partie de la catégorie pour le vote des Mouettes d'Or, catégorie chanson. Donc, en premier lieu, donc, je voulais vous présenter Mylène Farmer ainsi que son dernier trip. Clip, pardon. Dernier trip, ouais, c'est pas mal, ouais. C'est son dernier trip. Oui, mais non. Mylène Farmer nous sort donc un dernier album bleu-noir, qui est un album où elle essaye de reprendre un petit peu sur la lancée de Lady Gaga, en ayant repris donc son producteur ainsi que ses arrangeurs. En deuxième position, donc c'est tout naturellement que je vous propose Lady Gaga, puisque en un an, c'est vrai que toute l'année 2010, elle nous avait sorti déjà beaucoup de tubes en 2009. Elle nous a ressorti effectivement, notamment Alejandro en 2010. Alejandro, si je préfère. Elle est présente tout au long de l'année. En Espagne, elle est aussi présente que ça, au Pays Basque, dans les boîtes de Donostia. Ah oui, est-ce qu'on entend oui. Partout, il n'y a pas plus déjà. C'est les dégâts partout, non? Ah, partout. Tu entends que ça. Pour faire les pipis, pour faire les caca, j'ai cru qu'il y a. C'est présent partout. Il n'y a que des Lady Gaga. Donc, si vous voulez voir Lady Gaga, il faut aller dans les chiottes publiques de San Sebastián, en fait. En France, il n'y a que Mylène Farmer. Non, c'est vrai. Non, en France aussi, Manuel, sache qu'il y a aussi Lady Gaga en France. Il y a notamment Mylène Farmer. Malheureusement, j'ai envie de dire. En troisième, je vous propose Gossip. Gossip, vous connaissez Gossip, le groupe Gossip, dont la chanteuse, la chanteuse est une dame très, très, très, très, très, très forte et qui chante beaucoup de chansons. Voilà, notamment. Et récemment, elle a sorti une chanson qui est ressentie aux États-Unis comme l'hymne, le nouvel hymne gay, dans lequel elle fait apparaître notamment des joueurs de football américain amoureux les uns des autres. On voit dans le clip des relations homosexuelles entre les joueurs de football américain. Ce sont en fait des acteurs porno américains qui ont été pris pour faire le clip. Mais Gossip, dont la chanteuse donc est reconnue pour être lesbienne et qui a des prises de position très très fortes, a donc participé à la visibilité des homosexuels en 2010. En quatrième position, il nous a pas sorti, enfin, ce que je sache, il nous a pas sorti de musique. Ceci dit, il a quand même créé le buzz, c'est Ricky Martin, qui a fait donc cette année son coming out. Franchement, entre nous, vous le saviez. Ouais, mais bien sûr, c'est évident, non? Mais oui. C'est évident, pourquoi c'est évident? C'est évident parce que, je ne sais pas, c'est seul rare à lui, tu peux savoir qu'il est gay, non? Vraiment gay. C'est vraiment la première nouvelle que j'ai de tout ça. J'avais rien entendu de tout ça. Ah, tu ne savais absolument pas qu'il pouvait être gay et le feu? Non? Non. Enfin, même pas, un, deux, trois, un pasito para ante Maria. Je ne savais même pas qu'il avait déclaré, qu'il avait fait son coming out. Quand même de dire qu'il a attendu donc d'avoir, je crois que c'est par mère porteuse qu'il a eu deux enfants, et il a attendu d'avoir ses enfants pour annoncer son homosexualité. C'est vrai, je pense qu'effectivement dans les tabloïds on commençait à parler fortement de son homosexualité en disant papa tout seul qui fait appel à une mère porteuse et qui le fait pas lui-même, si vous voyez ce que je veux dire. Automatiquement il a dû faire son coming out. Je pense que c'était assez important pour pas mal de monde, pas mal de toute sa génération. Je pense que la génération des années 90 qui a beaucoup dansé sur Windows Press notamment. Maria. En fait c'est Mario qui s'appelait le mec finalement. Mario. Donc on va passer au vote entre nous. Donc Mylène Farmer, Lady Gaga, Gossip, Ricky Martin. On va commencer par le public. Ah, cette fois-ci c'est moi qui commence. On va lui donner un prénom alors, quand même. Le public s'appelle Stéphane. Voilà, c'est Stéphane. Et parfois Stéphanie. Et donc si je fais un petit peu le tour, donc Gossip, écoute, je connaissais pas du tout, donc voilà. Tu sais, j'ai une petite culture aussi. Reggae Martins, j'apprends. Donc, Reggae Martins, donc. Reggae, voilà. Ricky Martin. Reggae Martins, ouais. Je sais pas encore trop. Mylène Farmer, je suis fan depuis des années, mais cette fois-ci, avec ce qu'elle vient de me sortir en chanson, malheureusement, je ne peux pas l'accepter. Lady Gaga, parce que Miss Eva, je me la fais rencontrer souvent. Ah. Et donc je suis fan de Lady Gaga. Je reviens sur ce que. À poil, c'est ça. Je reviens à ce que. Alors, est-ce que tu l'as vu à poil? Est-ce que Lady Gaga a un pénis? Moi, je pense que celle que tu as vue, oui. À chaque fois, elle le cache. C'est ça. Je reviens sur ce que tu viens de dire en disant que tu as vu plusieurs fois Lady Gaga. Je rappelle que grâce aux organisations de fêtes de Gay E2, Lady Gaga a pu se produire en spectacle à une des fêtes de Gay E2. Je pense que c'était pour le Festival international du film de Saint-Sébastien. Voilà, parce que c'est une grande artiste. N'est-ce pas, hein? C'était au mois de septembre, c'est cela? Voilà, septembre. D'accord, merci pour vos précisions. C'était au mois de septembre, c'est ça. Mickaël? Moi, je vais voter pour Gossip. Je connais pas, mais j'aime pas les autres. Ah, d'accord, mais est-ce que tu sais que Gossip, on l'a passé dans l'émission? Ça a été une des premières chansons que j'étais fait passer. Un peu rock, c'est du rock. Hein, je m'en rappelle pas trop. Je te ferai réécouter. On va essayer de voir si tu arrives à trouver un petit extrait ou autre. On le passera dans une prochaine fois. Est-ce que tu peux trouver, Mickaël, un peu de... Comment s'appelle? Gossip. Gossip. Sur voilà. YouTube. Voilà, j'ai l'internet. Parce qu'on ne connaît pas et peut-être... On n'avait pas être objectif. Voilà, la mission pour... Alors voilà, on va faire un jingle. La mission de Mickaël pour la soirée. Trouver voilà. Gossip avant 21h. Alors, pour le vote de Gay E2. Alors, chacun d'entre vous, vous n'êtes pas obligé de voter tous ensemble. C'est Manu. Facile, hein. Manu. C'est facile, c'est Lady Gaga qui a mon vote. Tout à fait. Gossip, je ne connais pas. Ricky Martin... Oui, il a sorti quelques chansons fameuses, mais... Bah oui, une d'autres. Ouais, je m'en fous. Tout le monde savait qu'il était gay, donc... C'est Lady pas une Gaga. Surprise, Lady Gaga. Anthony? Moi, bon, je ne sais pas. Lady Gaga, peut-être que je ne suis pas très politiquement correct, mais je n'aime pas beaucoup. J'aime quelques chansons, mais je ne sais pas. Est-ce que tu as peut-être, toi, une icône gay de la chanson ou quelqu'un qui a promu un petit peu les homosexuels que toi, tu préfères? Pour les homosexuels, maman mia, maintenant, non, je ne sais pas. je n'arrive pas. La question je ne sais tue. Pas. Non, peut-être que je vais parler d'Aretha Franklin, qu'elle est très malade. Ah bon d'être. Ah, mais on ne peut pas voter pour elle, non? La pauvre. Ah bah, elle est très grave. Si tu veux apporter ton vote à Aretha Franklin, je vote pour Aretha Franklin. Aretha Franklin. Eh bien, écoutez, voilà. Aretha qui n'était pas à la base, qui n'était pas proposée, a quand même une voix. C'est ça un petit peu aussi la liberté de parole lorsque on est dans une émission LGBT. Merci beaucoup. Et nous manque le vote de Rochelle. Je vais voter pour la visibilité des lesbiennes, donc pour Gossip, même si je ne la connais pas trop. Mais voilà, très pour bien. Changer un peu. Alors, il me manque le vote de qui? De moi. De toi, vas-y. Oh là là, enfin. Mais moi, je vais voter Gossip parce que j'ai toujours rêvé de pouvoir la faire, sauf que je suis un peu trop maigre, finalement. Et moi, je voterai. Il a trouvé Gossip, regardez-le. Il est tout content, regardez-le. Mignascal, Mickaël. On va écouter un tout petit extrait de Gossip. C'est un très bon extrait de Gossip. C'est une des premières chansons qu'elle a eu sortie. La dernière chanson qu'elle a sortie, donc qui relate un peu de l'amour homosexuel, c'est Man in Love. On essaiera de réécouter une autre fois dans une autre émission. Eh bien, on peut applaudir Gossip parce qu'elle a gagné donc le prix La Mouette d'Or de la première chanson. Bravo. On a des problèmes de casque ici en salle. Tout va bien, tout est normal. Ça marche, Rochéa, toujours pas? Un tout petit peu? Ça marche. C'est dit, tu enlèves tout. Enfin, enlève tout le casque non. Du moyen et puis on enlèvera le reste après. Je vous écoute, hein? Non, dernière petite catégorie. La catégorie spectacle. C'est la catégorie que l'on entend le plus. Vous allez comprendre pourquoi. On a conquis Andoni, c'est bon. Oui, oui. J'aime vraiment. Oui. Il m'a fait rappeler à Aretha Franklin, de toute façon. Hein. Ah, ben voilà. La voix. Eh bien, écoute, si ça se trouve, elles seront ensemble la prochaine fois qu'on fera une émission. On ne sait jamais. Respect. Merci, Mickaël, pour ce petit morceau de musique. Catégorie spectacle. Les spectacles, vous savez que les spectacles, chaque fois, font bouger énormément d'homosexuels. On adore les spectacles, on adore les comédies musicales, on adore... Pas tout le monde. Je vois la tête de Rochéane, qui lui préfère se plonger dans les affaires internationales. Mais effectivement, c'est vrai que moi, personnellement, j'en suis friand. Miss Eva... J'en suis friante aussi. Oui, je crois que toi, tu étais un peu plus friante. Oui, je suis un peu plus friante et croustillante aussi. Et pétrie. Et pétrie, non, pas pétrie, non. Flétrie, peut-être. Flétrie, oui. Donc je vais vous proposer trois genres de spectacles très différents. En premier, j'ai choisi Mamma Mia. Mamma Mia, parce que c'est la comédie musicale montée à partir des chansons de ABBA, qui, si je ne m'abuse, a été mise en scène et traduit en espagnol, côté espagnol, et en français, côté français. C'est une comédie musicale qui a énormément de succès sur l'année 2010, et on lui en souhaite aussi beaucoup de succès pour l'année 2011. Ah, on a le dernier qui arrive. C'est le photographe. En deuxième position, Miss Eva, si tu veux bien, je proposerai l'Eurovision. L'Eurovision qui, chaque année, est attendue par tous les homosexuels de toute l'Europe. Je sais pas comment ça se passe à Gaïtou. Chez nous, on fait carrément des assemblées avec tous les homos des associations et autres pour regarder l'Eurovision. L'Homovision, tu vois. Là-dessus, je viens de dire l'Homovision. L'Eurovision. C'est ça. One point, deux points. C'est ça. Bah, c'est en tout cas, là, moi, c'est zéro point. Hein. Voilà, zéro point. Et cette année, qui a vu le Qui a gagné? Manu, tu sais, toi, qui a gagné l'Eurovision cette année? C'est l'Allemande. Avec Satellite. Satellite. Ouais, mais c'est... Ah oui. Eh oui, oui, c'est elle qui a gagné l'Eurovision cette année. En Espagne, l'Allemagne, c'était... je sais pas. C'était l'Allemagne. Mais c'était Satellite. C'était la chanson Satellite. C'était la chanson allemande qui a gagné. Oui, mais la chanteuse, quoi. Oh, bon, ça y est, le couple qui s'engage. Ah, bon. On va changer de sujet parce que c'est bon. La musique. Vous vous rappelez de la musique espagnole cette année pour l'Eurovision? C'était un petit frisé qui chantait Chiquiti, je sais pas quoi là, quelque chose de ce genre là, qui a fini dans les dernières places. Et nous, on a eu droit à Olé Olé Ola. Olé Olé Olé Ola. Bref, de toute façon, c'est encore des millions de gays qui ont regardé l'Eurovision cette année. Et en dernière position, quelque chose, bon, je sais pas pourquoi, je sens que ça va vous faire plaisir. C'est le spectacle de Miss Eva lors du festival du film de San Sebastian. Bien sûr. Vous serez tous d'accord avec moi, on ne peut pas parler spectacle sans parler Miss Eva. Alors, Anthony, toi qui l'as vu sur scène et qui la voit complètement, bon, là, le lendemain de premier de l'an, elle n'a pas du tout le même physique que d'habitude. Hein, mais j'arrive sur les dents. Votre réaction, on va lui cirer un peu les pompes aujourd'hui. Votre réaction à voir Miss Eva sur scène lors de la dernière fête de Gaïto. C'est très bien, elle a vraiment le bon talent. Et j'espère qu'il va retourner. Hein. Ah bah avec grand plaisir. C'est quand la prochaine? Je ne sais pas. Maintenant, c'est le carnaval la prochaine. C'est le carnaval peut-être. Oui. On va parler. On en parlera. Après, on va parler avec toi. Très bien, donc maintenant, on va passer au vote. Hein. Mamma Mia, Eurovision, Miss Eva lors du Festival des films de Saint-Sébastien. Alors, histoire de pimenter la chose, on va commencer par Miss Eva. Miss Eva, alors... Voilà, parce que sinon, après, leur ami Cal, il fait une tête, là, laisse tomber. Mais évidemment, je ne vais pas voter pour moi, parce que ça serait peut-être... Oh, je ne me suis pas vu. Voilà, j'y étais, mais je ne me suis pas vu. Donc je dirais faux, parce que je pense que Rochian, de ses propres mains, ou même Andoni, ou quelqu'un d'autre, t'a envoyé le DVD. Oui, c'est vrai. Bon, bah alors dans ces cas-là, je vote pour moi, voilà. C'était fantastique. Non, Mamma Mia, j'ai bien... Je préférerais Mamma Mia. Mamma Mia, oui. Très bien. Ok. Le public, Stéphane. Eh bien, le public... Vous avez vu quelle voix de crooner. Eh bien, quel jeune homme. En même temps, j'ai pas de casque, moi je m'entends pas. Donc, non, Miss Eva, bien sûr, Miss Eva, même si je n'y étais pas ce jour, je la suis assez souvent, et voilà, donc Miss Eva, voilà. Incontestablement, Miss Eva. Merci beaucoup. Beaucoup. Aussi. Mickaël, le deuxième beau cul de... Mais moi, c'est comme, celle d'avant, avec la santé, voilà, je ne l'ai pas vue non plus, Miss Eva, mais je l'imagine comme Benoît. Donc comme Benoît non, Stéphane. Non, comme Benoît, comme j'imaginais Benoît. Oui, en train Benoît de... Benoît XVI, c'est ça. Oui, j'avais compris, moi. J'imagine aussi Miss Eva. Salaud. Donc, est-ce que tu imagines que la vue de Benoît XVI en filant un préservatif peut être aussi belle que la vue de Miss Eva en Lady Gaga? Je voulais pas dire ça, j'ai pas dit ça, donc comprenez pas ça. D'accord. Le vote de Gaytou, même si on imagine que c'est un petit peu dupé. On est tous les trois là. Attendez, parce que voterez-vous pour Gaytou ou voterez-vous pour Miss Eva? Non. Moi, personnellement, je vais voter pour Miss Eva. Aucun doute, parce que Eurovision, c'est déjà un spectacle. Déjà vous, très déjà vous, c'est pas normal voter à Eurovision. Et j'ai eu l'occasion de voir le spectacle Mamma Mia à Paris. Et il m'a déçu à un moment donné, parce que même si c'est un. Bon, la chanson c'est facile, la base c'est facile à écouter, mais quand même c'est un peu un spectacle pour un côté impérance. on peut dire. J'ai pas beaucoup aimé. Alors, Miss Eva, au Et pour vous deux, Miss Eva aussi ? Eh bien, oui. Eh bien, on applaudit Miss Eva. Merci beaucoup. Ouais. Ouais. Miss Eva. Oui. Non, maintenant que tu as été donc que tu as gagné ta mouette d'or, oui. Il est l'heure justement de faire entendre la voix des mouettes par le top 5 des mouettes 2010. Et oui, et oui. Alors donc en cinquième position du top 5 des mouettes 2010. Position, alors Don't Ask, Don't Tell, la loi américaine interdit à tout militaire de dévoiler son homosexualité. Oui, et a failli être abrogée. La loi a failli être abrogée. Oui, la loi, elle a failli être abrogée. Voilà. Finalement, elle a été maintenue. Ah merde. Puis a failli être abrogée. Oui. Puis finalement, elle est maintenue. Puis il y a encore finalement être. Voilà, abrogée. Finalement, elle a été réabrogée. Voilà. Hein, voilà pour, comme ça, on se comprend. Ouais, donc en gros, c'est elle est maintenue, elle est abrogée, elle est maintenue, elle est abrogée. Voilà, exactement. Bref, Obama va falloir prendre une décision maintenant. Hein, parce qu'on s'y perd un peu avec ces conneries. Ouais. Et puis vive les militaires PD. Et les pompiers aussi. Vous avez compris, vous connaissez la loi Don't Ask, Don't Tell, qui pendant un temps devait être abrogée par Obama, qui finalement a été remaintenue. Voilà, finalement actuellement le Sénat abrogé. C'est un peu compliqué. Quatrième position. Sarkozy, mon ami. Mon ami Sarkozy. Il avait promis une union civile pour les personnes de même sexe. Il avait promis de créer un statut de beaux-parents. Il avait promis qu'il tiendrait ses promesses. Va-t-il promettre d'être président en 2012 ? Effectivement, pour revenir encore là-dessus, le projet d'union civile n'a toujours pas vu le jour, tandis que au projet du statut du beau-parent, eh bien, il a totalement été, un petit peu comme la loi des militaires, abrogé. Abrogé ou abrégé. La troisième position du top 5 de mouettes 2010. En troisième position, certains pays d'Afrique ont d'autres... Et d'autres... Oh, je vais me reprendre. Hein. On va recommencer. On va y aller. On va y aller, voilà. Certains pays d'Afrique et d'autres en Europe centrale développent la pénalisation de l'homosexualité. Au Kenya, on veut même les jeter en prison. Ça me rappelle vaguement une histoire en 1939, si je me souviens bien de mes cours, avec les juifs. Ah oui, oui. Voilà. Bref, en 2011, sera-t-elle l'année de l'homosexualité ou l'année de leur ennemi ? C'est une très bonne réflexion que de se dire qu'il y a de plus en plus de pays en Afrique notamment qui pénalisent, et on a vu au Kenya récemment le Premier ministre qui avait déclaré qu'il fallait jeter en prison tous les homosexuels, et on a vu notamment de nouvelles constitutions au sein même de l'Union Européenne qui mettaient la voie sur la pénalisation de l'homosexualité. En deuxième position, en 2010, les étrangers homosexuels en situation irrégulière étaient toujours menacés d'être renvoyés dans leur pays d'origine. Pays qui les condamne par leur amour. Pour leur amour. Pour leur amour, excusez-moi, c'est une faute de frappe. De prononciation. Les mouettes homosexuelles proposent à Monsieur Besson, de son prénom Luc... Non, c'est justement Luc, pas Luc Ah, Besson. C'est pas Luc Besson. Le ministre Besson. Ah oui, excusez-moi. Hein, donc le ministre qui est de son prénom. Monsieur Besson. Pardon, voilà. Donc Monsieur Besson. Besson, donc voilà. Un Vie ma vie spécial où nous l'enverrions 40 jours dans une backroom. Un genre de détention bien spécial pour un homme très solitaire. Solitaire. Ou solitaire aussi. Solitaire aussi, tu me diras. Donc, Monsieur Besson, ministre de l'immigration. Voilà. Je ne sais plus quel est son nouveau rôle dans le nouveau gouvernement, parce que le gouvernement français a changé en 2010. Et les noms ont changé avec. Vous savez, chez nous, c'est un petit peu le manège enchanté. La première place du top 5 2010. Et oui, il remporte haut la main le top 5 des mouettes en 2010. Avec 800 742 épisodes, c'est Section d'Assaut. Alors, ah, oui, on peut applaudir, s'il vous plaît. Section d'Assaut, voilà. Bravo. Voilà. Voilà. Voilà. Voilà. Et voilà, je vais le redire une autre fois. Section d'Assaut, je vous souhaite une excellente année 2011 et j'espère que vous ne nous serez pas tombés car ça serait le top. Ah putain. Que serait Car que serait le top 5 des mouettes sans votre fameux pâté ? Oui, tu vas nous faire. Ouais, voilà. Et je côtoie le pâté. Ningénéné, mais le pâté. Papa, maman, les mains, désolé. Je sens comme une envie de pâté. Voilà. Longue vie aux homophobes, mais pas trop longtemps quand même. Merci, Misséma, pour le de top rien. 5 des mois de 2010. Pour cette top 5 de merde. Messieurs de Gaytou, vous ne connaissez pas Section d'Assaut, je pense. Si vous avez entendu parler de Section d'Assaut, ce groupe de rap très connu en France, qui est premier au top 50 de la chanson française pendant longtemps, et qui mange du pâté. Justement, non, je crois. Et qui côtoie du pâté, qui côtoie. Qui s'est déclaré homophobe à 100%, qui ont dit qu'ils l'assumaient. L'un d'entre eux, notamment, a dit qu'il fallait brûler les homosexuels. Dans un premier temps, ils ont exprimé leurs excuses avant qu'un autre vienne dire qu'effectivement, ils ne s'excusaient pas du tout parce qu'ils pensaient vraiment ce qu'ils avaient dit. Jusqu'au moment où ils sont encore venus s'excuser dans le but de ne pas faire annuler certains concerts. Et au final, de toute façon, on ne sait pas où ça en est, d'où le côté 800 742 épisodes. Exactement. Merci, Section d'Assaut. Et bien voilà, on arrive à la fin de cette fabuleuse heure de 2011. Il nous reste combien de temps à peu près, Mickaël ? Une minute. Juste le temps des vœux pour 2011. Mais écoutez, je vous souhaite à tous une excellente année 2011. J'espère que vous avez tous fait de belles... On fait des vœux, on essaye de changer un petit peu pour l'année. Mais moi, je vous souhaite plein de bonnes choses pour 2011. On se retrouve dans 15 jours. Et n'oubliez pas Miseva.fr. Miseva.fr, etc., etc. Merci Mickaël et encore bonne année à tous. Mais merci à vous et on rappelle tous ceux qui nous écoutent qu'ils nous écoutent encore Herri Otsak demain à partir de 20h. Beraz, bihar, sortietatik aurrera, eta egunero bezala, Herri Otsak antxeta irratian. Voilà, c'est ça. Agur denei. Merci tout le monde. Agur denei. irubebikoitza.herriotsak.info Herri Otsak, Pausu Mediak ekoiztutako saio bat, egunero, arratsaldeko 8:00-9:00 arte, Antxeta irratian.